bonjour docteur, s'il vous plaît, dites-nous ce qui se passe. Je suis désolé, il ne lui reste plus que quelques heures à vivre. Fallait qu'il arrête. C'est pas on vrai. On a beaucoup discuté, moi et lui. S'il a de la famille, prévenez-les qu'ils viennent le voir. S'il te plaît barman, vas-y serre-moi une autre bière. Mes problèmes sont toujours là, j'arrive pas à m'en défaire. J'ai plus de travail et ma femme est repartie chez sa mère. Et mes enfants ont honte de moi et disent que je suis plus leur père. Comment tu choisis de te détruire en buvant tu arranges quoi. T'as beau te saouler pour t'enfuir, tes problèmes ils s'en vont pas. Secoue-toi pour t'en sortir, le Seigneur il t'aidera. Ne me dis pas que tu veux finir le reste de ta vie comme ça. Ce matin j'ai promis à ma femme que ça se reproduira plus. Hier soir j'ai perdu mon calme et je l'ai encore battu. C'est la centième fois que je le fais, une fois de plus j'avais trop bu. Mais l'alcool et ses effets font que je me contrôle plus. C'est un cauchemar que tu lui fais vivre quand elle est à tes côtés. Tous les soirs quand tu rentres, tu finis par la maltraiter. Si un jour elle se réveille, elle va finir par s'en aller. Toi de choisir entre la bouteille, la femme qui est à tes côtés. Trop de personnes qui sont parties. Trop de fils qui pleurent leur père. Trop de femmes qui pleurent leur mari. Y'a trop de fleurs au cimetière. Ce que tu fumes, ce que tu bois, ça peut te provoquer le cancer. Plus tu fumes et plus tu bois, plus tu fais des pas vers le cimetière. La cigarette j'arrête quand je veux, mais là j'ai pas envie. Pour le moment j'attends un peu, c'est pas pour aujourd'hui. Je sais que de pas fumer c'est mieux, que ça évite des maladies. Mais mon grand-père est mort très vieux et a fumé toute sa vie. Mais t'es sérieux quand tu dis ça, ton grand-père à son époque fumait pas le même tabac, il y avait moins de produits chimiques. Aujourd'hui tu crois que tu fumes quoi? Du goudron et de l'arsenic. Alors prends garde et arrête-toi avant de finir dans une clinique. Regarde ton fils, ta femme, t'es en train de leur faire du mal. Et si un jour t'as un cancer, ils iront te voir à l'hôpital. C'est là ta façon de les aimer, tu vas tous les faire pleurer. Tout ce que tu fais c'est de suicider, tu vas les abandonner. Je vais en soirée si je bois pas, bah moi je m'amuse. Même si des fois je finis par terre, c'est rien, ça me dérange pas. Avec moi on aime faire la fête, on aime sortir quand je suis là. Mais le problème que j'ai appris en fait, c'est que je m'en souviens pas. Mais quand t'as trop d'alcool dans le sang, on peut te tromper facilement. Profite de toi plus aisément et t'en seras même pas conscient. Y'en a même qui prennent le volant et à laisser l'accident. Pense plutôt à ce que tu ressens si tu tues un innocent. Trop de personnes qui sont parties. Trop de fils qui pleurent leur père. Trop de femmes qui pleurent leur mari. Y'a trop de fleurs au cimetière. Ce que tu fumes, ce que tu bois, ça peut te provoquer le cancer. Plus tu fumes et plus tu bois, plus tu fais des pas vers le cimetière. À partir de demain je fume, pour faire comme tous mes copains. Et dorénavant je m'assume, plus besoin qu'on me tienne la main. Maintenant que j'ai 12 ans, je suis grand, je suis devenu un homme. Et j'ai plus besoin qu'on me raisonne, non j'écoute plus personne. Si pour toi c'est ça être un homme, t'as du souci à te faire. Car le tabac quand tu le consommes, après c'est très dur t'en défaire. Construis ta vie et étudie, fais plutôt plaisir à ta mère. T'évitera des maladies, voir brûler tes sous en l'air. Les fumeuses tu prétends avoir pris la décision. Que quand t'attendras un enfant, plus de cigarettes à la maison. C'est très facile à dire maintenant, mais on connaît tous la chanson. Mais si t'arrêtes pas bien avant, t'iras fumer au balcon. Je m'adresse à toutes ces femmes enceintes, à toutes ces futures mamans. Qui continuent de fumer sans crainte, allez juste une de temps en temps. Qui comprennent pas que les substances toxiques passent à travers le sang. Leur bébé peut naître malade alors qu'il est innocent. Trop de personnes qui sont parties. Trop de fils qui pleurent leur père. Trop de femmes qui pleurent leur mari. Y'a trop de fleurs au cimetière. Ce que tu fumes, ce que tu bois, ça peut te provoquer le cancer. Plus tu fumes et plus tu bois, plus tu fais des pas vers le cimetière. Trop de personnes qui sont parties. Trop de fils qui pleurent leur père. Trop de femmes qui pleurent leur mari. Y'a trop de fleurs au cimetière. Ce que tu fumes, ce que tu bois, ça peut te provoquer le cancer. Plus tu fumes et plus tu bois, plus tu fais des pas vers le cimetière. Thank you.